c'est les rois des rois. À toi toute l'honneur, à toi toute la gloire ce soir. Seigneur, toute la gloire, toute la puissance t'appartient, Seigneur. C'est toi le garant de notre existence, éternel Dieu de gloire. Si nous vivons, c'est par toi et non par nous-mêmes, Seigneur Jésus. Oui, nous te devons reconnaissance d'avoir existé par toi, éternel. Tu es Dieu du ciel et de la terre. Es-tu le maître, Seigneur Jésus, de tout ce qui te trouve dans la mer, Seigneur Dieu, Dieu. Qui est comme toi, Seigneur, nous te levons ce soir, parce que tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, qui est comme toi, nous te levons ce soir. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ensemble, tout le monde. Proclamons que c'est toi qui es puissant. Oui, Seigneur, étanche notre soif ce soir. Nous te levons parce que tu es digne d'être loué, Seigneur. Seigneur, ton boy m'a bangé nous, ma mélaïo, mais plus on te coupe son beau sans ça. Tout honneur. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Seigneur. Exalter ton Saint-Nom parce que tu m'as créé à ton image. Merci pour ta main. Merci pour ta grandeur. Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui changes toute vie. Toi qui transformes toute vie. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce soir. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oui, papa, nous te lèvons. Oui, nous te lèvons. Nous te lèvons. Nous te lèvons. Jésus, nous te lèvons. Tu es là, qui est comme toi, Seigneur, le gardien de notre vie, c'est toi. Toi qui nous protèges même aux endroits les plus hostiles, papa. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Toi qui connais tout, qui vois tout, qui entends tout. Sois élevé ce soir, sois glorifié, sois exalté, Dieu. Nous te lèvons, nous te lèvons, nous te lèvons, Seigneur. Nous te lèvons. Puissant Sauveur Yeshua. Ah. Et bien aimé, continue à adorer le Seigneur. Il est présent en ce lieu. Oui, l'Éternel recherche le vrai adorateur. Quand il va trouver ton cœur ce soir, parce que tu le lèves, tu le glorifies sincèrement. Il est puissant Sauveur. Le Dieu qui se lève les derniers et qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Le Dieu à qui nous crions et il fait toutes choses bon à son temps. Oui, le Dieu qui exauce nos prières. Oui, quand nous nous levons, il est là en train de nous écouter, en train de pouvoir faire et agir. Puissant Sauveur, puissant Sauveur. Chandelier, mon ami. sommes combos. Amen. Nous célébrons ton nom et ton salut. Ashangele Adina Yako Takatif. Nous glorifions ton autorité en ces lieux. Astukuza Mamlaka Yako Panafas. Joignons le Saint-Esprit. Takatifu. Qui a la charge de glorifier. Akwana Yomuzigo Yako Tukuza. Et de te présenter en Seigneur. Tambulisha panafas. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Asite na Dieu ambi. Jésus le Seigneur. Yesu ni Bwana. Et nous acclamons ta Seigneur. Na tunashangilia. Amen. Amen. Mungu amibariki. Que Dieu soit béni pour ce moment. Bwana barikiwe kwa wakati u. Dans sa présence. Dania wepo wake. Pour cette adoration. Amen. Merci au pasteur Désiré, merci à maman Elvire, Aksante kwa mchungaji, kwa mama, à vous tous, Aksante pia kwa nyinyi yote, qui travaillez à ses côtés, na kwa natumika pembeni yake. Et encore une fois, merci à tout ce peuple que vous formez qui participe à ce travail. Est-ce que vous pouvez acclamer? Et tu mnaweza tena kushangilia juu yenu wenyewe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Nous continuons avec notre travail. Tunakuwa naendelea na kazi yetu. Et nous sommes en train de voir ce grand thème intitulé Va avec la force que tu as. Na tuko naona ishina kubwa yenye naitwa enda na uwezo unanayo. Et particulièrement, nous sommes en train de voir kwa upeke tuko naona la postérité kizazi comme étant une opportunité divine kwa kama fazili ya kimungu de correction des erreurs des ya pères ya kutengeneza pia makosa ya wazazi de rattrapage de leur retard kukomboa tena muda yao yenye walipoteza mais aussi de dépassement de leur limite. Vile vile tena kupita ata mipaka yao. Et nous voyons cela dans le modèle de Gédéon qui devait renverser l'autel de Baal appartenant à son père. Tunaona ile kumfano yenye Gideoni alipasha kuangusa mazabao ililekea baba yake. Mais bien plus bâtir un autel à l'Éternel. Na zaidi hiyo tena kujenga mazabao kwa milele. Et cela nous indique que na ile inatuonesha détruire ou renverser les autels kuharibu au kuangusha mazabao ce n'est pas ça notre ministère. Iyo aina kazi yetu. Ça c'est une transition. Iyo inakuwa tena upito. Notre ministère c'est de bâtir ce qui est de Dieu. Kazi yetu ni kujenga yenye inakuwa ya Mungu. Alors nous avons commencé à voir alafu tulianza kuona le retard et les erreurs. Basi tena makosa na kutokuwa mbele ya wakati. Et ce soir, je voudrais na jioni ya leo nilipenda que nous puissions prendre tupate kubeba notre texte de base usomi wetu wa msingi qui se trouve dans Juge chapitre 6 verset 14. Inakuwa Muamuzi sura ya 6 verset 14. Et nous allons plus travailler vers encore une fois les erreurs et les retards. Tutatumika zaidi tena kuhusu makosa na nyuma ya wakati. La Bible dit l'Éternel se tourna vers lui. Biblia inasema wa milele kamgeukia. Et lui dit akumwambia va avec cette force que tu as. Nenda na uwezo unanayo. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nakomboa Israël mikono mwa Midiani, je si ni mimi nakutuma. Amen. Amen. Hier nous avons travaillé à nous montrer jana tulitumika kwa kutuonesha que les pères sont les créateurs du premier cadre pour leurs fils. Kusema wazazi wanakuwa wenye wanaumba fazi ya kwanza kwa ajili ya watoto wao. Et que chaque destinée na kila ujio, chaque vie, kila maisha, est intégrée, est inscrite, est introduite, imekuwa imeingilishwa au kuanzishwa dans ce que nous avons appelé la loi de la solidarité des générations. La génération qui vous a engendré a déjà commencé à agir avant de vous engendrer. Ça veut dire les premiers éléments de votre destinée. Les premières réalités de votre vie ont existé avant votre naissance. Les premières conditions spirituelles, sociales, économiques, financières, c'est des choses qui vous ont précédé. Lorsque vous naissez, vous vous retrouvez dans les travaux et dans les états et l'atmosphère spirituelle de ceux qui vous ont engendrés. Amen. C'est ça votre premier environnement de vie. L'atmosphère spirituelle qui a été celle de votre père pendant que vous naissiez, c'est ça le premier domaine de vie dans lequel votre destinée a été déposée. Et ça ne s'arrête pas là. Vous êtes un agent qui devra travailler à amener Dieu à introduire dans votre destinée les promesses liées à la nouvelle naissance si vous êtes né de nouveau. Et là, nous avons vraiment insisté là-dessus. Être une nouvelle créature, ça ne signe pas la fin de toutes les réalités d'avant. Il y a certaines réalités, quoique vous soyez nouvelle créature, qui continue à faire partie de votre destinée et vous devez les gérer. Amen. Aujourd'hui, Léo, je voudrais Nilipenda nous expliquer des choses vitu particulièrement liées aux erreurs et aux retards. Colossiens chapitre 1er, wa Colossia sura ya kwanja, le verset 9. Ya tisa. Amen. Amen. Les grands problèmes de nos vies commencent par là. Mambo mnene ya maisha yetu inaanzia pale. Si vous aviez eu des pères kama mlipata wa baba qui n'ont pas compris la volonté de Dieu, wenye hawakuelewa kutaka kwa Mungu, et si vous êtes un fils na kama unakuwa mwana qui ne comprend pas la volonté de Dieu, mwenye asielewi kutaka kwa Mungu, j'aimerais vous l'informer, nilipenda basi kumijulisha, appartenir à Dieu kuelekea Mungu n'est pas la garantie totale que vous allez tout réussir. Aina kionesho ya kusema mtafaulu kwa yote. Et je vais bien m'expliquer na ce soir. Peut-être certaines théologies, certaines religions vont tomber ce soir. Mara ingine wa teolojia wengine wanaweza kuanguka. Amen. Amen. Colossiens 1, wa Colossia, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bible nasema nini? Ce sont des prières que les gens font rarement et nous devons apprendre à les faire individuellement. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. vous et de demander que vous soyez remplis. Que vous soyez comment? Remplis. Quand on parle de plénitude, c'est qu'il y a certains états avant la plénitude. Que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de ça. Volonté, comment? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Dieu est esprit. Sa volonté est spirituelle. Son plan est spirituel. Quoique il s'accomplisse dans le monde physique. Mais ce plan-là est par nature spirituel. Et quand Dieu exprime sa volonté dans son plan, il l'exprime spirituellement. Spirituellement. Et il faut que celui qui s'engage à accomplir la volonté de Dieu comprenne cette volonté avec la sagesse et l'intelligence spirituelle. Amen. Et ici, je voudrais vous donner un principe réel, une évidence incontournable. L'erreur entraîne dans l'errance. Erreur Nikosa. Ça, c'est la faute, non? Faute Shinjokosa. Oui, oui. Bon, c'est pas erreur. Bon, c'est toi l'interprète, cherche un peu le mot hein? Oui. Approprié. C'est vrai que dans l'erreur, il y a le kosa, il y a la faute. Mais je voudrais bien qu'on explique ça par le fait de se tromper. Ah, voilà. Dio. Kudanganyika, si on c'est peut dire. Se tromper, kama tunaweza kusema. Voilà. Dio. Ça veut dire nikusema. Là où il y a erreur, fazi kuna kuwa udanganifu, l'errance est inévitable. Kupotea kuna kuwa kwenye awepukiwi. Amen. Amen. En Swahili, il a bien interprété kupotea. Anasema mzuri, c'est bien. Et ça, c'est une conséquence. Na iyo inakuwa ni mazao. Mais spirituellement parlant, pasteur, lorsque vous lisez Esaïe 53, on vous dit, nous étions tous errants. Voilà, ça c'est encore mieux. Kuwayawaya. Iyo ni kema zaidi. Kupotea. Être perdu. Kuwayawaya. Nous étions tous errants. Mais tout ça est venu de l'erreur d'un seul. Adam. Adam. Amen. Amen. Ça veut dire, quand vous regardez à Adam, au commencement, Adam n'est pas que Adamu asina tu un individu physiquement identifié. Mutu wa kimwili mwenye anatambulishwa. Adam est tout un domaine de vie spirituelle pour l'humanité. Anakuwa tena atua yote ya umbiwa wote. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Corinthiens. Vile Bible inasema mwa Korinto, tous meurent en Adam. Yote nafariki ndani ya Adam. Wote wanafariki. Tous meurent. Tous. Tous. Meurt wanafariki en Adam. Dani Adam. Et la mort d'Adam, na kifo ya Adam, c'était une mort spirituelle. Ilikuwa ni kifo ya kiro. Avant qu'on en arrive à la mort, kabla ya kufikia kifo ya kimwili. Dieu lui a dit, basi Mungu alimwambia, le jour où tu mangeras, siku ile kula. Tu utafanya mura. Te utakufa. Adam est mort. Adam le jour où il a mangé. Siku yenye alikula. Mais il est mort en train de parler. Lakini alikufa wakati parce que Dieu lui disait, kwa maana Mungu alimwambia kwa kuomba, Adam où est Adam wapi? Tu, et il na, répondait. Na akajibu. C'est que on peut être spirituellement mort. Ni kusema unaweza kuwa wa kiroho mwenye kufariki. Mais physiquement vivant. Lakini kimwili uko hai. En train de répondre. Mwenye unakuwa na jibu. Et de mal répondre. Na kujibu mubaya. Parce que quand Dieu lui pose la question. Kwa maana wakati Mungu alimuuliza. Adam, où es-tu? Adam uko wapi? Adam est déjà dans l'erreur. Adam alikuwa mkupotea. Il est dans l'errance. Na alikuwa mkuwaya waya. On lui pose. Bwana muuliza. Une question. Swali. De localisation. Ya fazi eko. Il ne répond pas. Asijibu. Lui il dit, yeye anasema, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Basi nikaficha. On n'a pas demandé. Abakulize. Est-ce que tu m'entends? Etu unanisikia? On a demandé. Basi waliuliza. Où es-tu? Uko wapi? Parmi les manifestations de l'erreur et de l'errance, ya utukuzo wa makosa na kuwaya waya, c'est de donner des réponses inakuwa ni kuleta majibu inapproprié aux questions claires yenye ailanganishwe na maswali yenye napasha. Ça veut dire ni kusema, lorsque dans votre vie wakati mu maisha yenu vous n'arrivez pas à donner des solutions aux problèmes que la vie vous présente, mukuleta majibu ku mambo yenye maisha yanamtambulisha, c'est la manifestation de l'erreur qui vous a entraîné dans l'errance. Ni tukuzo ya kosa yenye nimingisha mkuwaya waya. Amen. Amina. Maintenant, je vais bien m'expliquer. Alafu tamifasili ya mzuri. Pour que nous comprenions ensemble. Kwa ajili tuelewe pamoja. Ce que signifie être errant. Yenye nataka kusema kuwa mwenye kuwaya waya. Ce mot-là. Iyi tamko. Errant. Nous étions kuwaya tous waya. Tulikuwa wote wa kuwaya waya. C'est un mot qui est utilisé. Ni tamko yenye natumikishiwa. Pour désigner. Kwa ajili ya kuonesha. Une personne ivre. Mutu mwenye anakuwa mlevi. Ça veut dire ni kusema une personne mutu en perte de force à l'intérieur anakuwa mwenye kupoteza nguvu ndani par intoxication alcoolique kupitia tu vinywaji vya pombe. Donc tu as introduit en toi ni kusema lingisha ndani une chose qui t'empêche qui de mobiliser les forces de te contrôler. Être errant, c'est être en perte de sa force initiale. Et la Bible nous dit, va avec quoi? La Bible nous dit, avec la force que tu as. Amen. Amen. Il faut savoir. Il n'a pas de dans la Bible, dans la Biblia, que les mots à leurs origines sont très importants. Quand vous lisez la Bible, l'œil, licho, ça s'appelle en hébreu Aïn. Aïn. Aïn. A-Y-I-N. A-Y-I-N. A-Y-I-N. Ce mot-là, basi, itamko, c'est le même mot qu'on utilise pour désigner un puits d'eau, une source. Yenye wanatumikisha wakati wanaonesha kishima ya maji. Vous comprenez? Eti mnaelewa? Ça veut dire spirituellement que sema mkiro, votre manière de voir les choses. Alienu ya kuona vitu, c'est ça ni, que vous avez comme ressource de votre vie. Ni ile mnakuwa nayo kama chemchemu ya maisha yenu. Amen. Chacun de nous, kila mmoja wetu est renforcé ou affaibli par sa vision de la vie. Lorsque Dieu nous transmet sa parole, il nous communique sa manière de voir les choses. C'est pour ça que la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. bila kusimama, mais heureux na eri, si il observe la loi. Sheria. Ça veut dire kusema, la loi contient sheria la révélation de Dieu wa Mungu, qui vous montre sa manière de aliaki, voir la, les choses ya kuona vitu, et qui est l'unique manière inakuwa ali moya, dans laquelle vous avez ile la nayo, force spirituelle ya kiro, de maîtriser les choses sur la terre. Vitu dès que vous sortez tu de la loi de Dieu, vous avez perdu sa manière de voir les choses et vitu, vous devenez aveugle. Na et le problème au jardin, ça shamba, se jouait au niveau de pasazi, la manière de voir les choses, vitu, au niveau kupitia de la sagesse ekima, et de l'intelligence akili, spirituelle yakiro, dans la compréhension de la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Amen. On se comprend de plus en plus. Tunajielewa zaidi. Qu'est-ce que le serpent est venu faire? Nini nyoka alikuwa kufanya? Intoxiquer Adam et Eve. Ingisha Adam na Eva. Introduire en eux une sorte d'alcool spirituel qui va les vider de la force. Kuingisha ndani yao tena ali tena ya sumu yenye naweza kuwatosha na nguvu. Anabalewesha. Genre comme s'il il est en train de les rendre ivres. Amen. Amen. Uransa mtu kama shakulewa anaonaka sana kuwa nguvu sana kumbi ashakuwa ovyo sana. Une personne qui est ivre se voit comme il est plus fort que les autres. Il ne craint rien. L'ivresse est en train de lui tromper qu'il est tellement fort. Amen. Amen. Maintenant, cette erreur-là, Adam. Vraiment en profondeur. Aujourd'hui, il y a des choses que nous allons parler en profondeur. S'il faut prendre des calculatrices, nous allons prendre. Question de vérifier. C'est que l'erreur peut coûter. Kosa ile naweza kuwa na bei gani? Des générations. Kuvizazi. Et les effets de des erreurs ne s'arrêtent que matokeo ya hiyo makosa hii na kwa tunasimamia. La vérité est découverte. Wakati kweli imepata kuvumbuliwa. Aussi longtemps que wakati yote la vérité est ignorée. Kweli imekuwa ya kupuuzwa. Aussi longtemps que wakati la vérité est inconnue. Kweli haijulikani. Les effets des erreurs mazao ya ile makosa vont continuer. Itaendelea. C'est pour ça que je vous ai dit, ni vile ni limiambia, appartenir à Dieu ku eleke ya Mungu, n'est pas la garantie totale. Iyo aina kionesho kwa utele, c'est une condition nécessaire, inakuwa tu sharti ya mais muhimu, pas suffisante, lakini haitoshe, pour que vous soyez fort. Kwa ajili muwe wenye nguvu. Parce que Dieu lui-même dit, kwa maana Mungu mwenye anasema, mon peuple taifa yangu est détruit. Imeharibika. Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le peuple de qui? De Dieu. De Dieu. Ya Mungu. Ça veut dire kusema, appartenir à Dieu eleke ya Mungu, ne le préserve pas de la destruction si il manque la kama connaissance. Na ufahamu. Tu peux appartenir à Dieu, unaweza kueleke ya Mungu. L'ignorance va te détruire. Lakini kupuzia kunaweza kuharibu. Tu appartiens à Dieu. Wakati ilo naelekea il Mungu. Ne suffit pas simplement aitoshe d'appartenir à Dieu kumueleke ya Mungu. Mais il faut connaître ce Dieu là et connaître les choses na kujua vitu selon ce Dieu là kufatana na ule Mungu. Amen. Huku wa Mungu mais kama uyue bintu vile Mungu anabijua si tu ne connais pas ce que Dieu kama uyue bintu vile Mungu anabijua si tu connais pas les choses que Dieu même si tu l'as pas utanguka tu vas tomber. Dieu ne parle pas d'autres personnes, il parle de mon Mungu, peuple. Ça veut dire zena, anasema, taifa yangu. Ceux qui m'appartiennent. Nikusema, wale wananielekea. Amen. Amen. Motoka yako, kama uwe kuyibulu, la shita kuwa. Si tu ne connais pas conduite ton véhicule, ça va te tuer. Ce n'est pas parce que c'est pas dire tu n'y yako. Et ça ne pourra pas te tuer. C'est vini yango, aïe ni fwa nkintu. Non, comme c'est mon véhicule, ça pourra... C'est pour toi. Mais kama uyu. Mais si tu ne connais pas conduite, ça va te tuer. Ça t'appartient, mais ça pourra aussi te tuer. Donc l'appartenance n'est pas une garantie. C'est la connaissance. Et même Jésus dit, vous connaîtrez la vérité Et la vérité na kweli vous affranchira. Itamiweka il n'a pas dit la vérité asi vous affranchira. Kweli il a dit vous connaissez. Anasema mutajua. Ça veut dire s'il n'y a pas de connaissance de la vérité, kama hakuna ufahamu la vérité ne peut pas affranchir. Kweli par elle-même, elle ne va rien faire. Il faut qu'elle soit connue. La connaissance, c'est quoi? Kufahamu c'est nini? Intimité entre deux. Ni urafiki kati ya wawili. Adam connut Ève. Adam kamtambua Ève. Elle engendra. Na wakaza. Ça veut dire quand tu connais la ni vérité. Wakati elle va engendrer la liberté. Na inaweza kukuzalia uru. La connaissance. Kufahamu. C'est la matrice de la naissance. Inakuwa tena uzalio. Quand il n'y a pas de connaissance. Il n'y aura pas de naissance. Akuta kuzalio. Amen. Amen. Maintenant, regardez les conséquences. Sasa tazameni matokeo du fait que Adam et Ève wakati iyo Adam na Eva n'ont pas connu la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Hawakujua tena mapenzi ya Mungu ndani ya hekima hata ndani ya akili ya kiroho. Satan les a induits en erreur. Basi bilisi aliwaingisha ndani ya kupotea. Et il y a eu des conséquences na kulikuwa matokeo de ces erreurs là ya iyo kupotea au makosa. Parmi les conséquences kati ya matokeo Dieu leur a dit Mungu aliwaambia le sol basi udongo sera itakuwa maudit yenye kulainiwa à cause de qui kupitia nani. Dieu disait à qui Mungu alikuwa anazungumza na nani. Attends, il disait là, le sol sera maudit à cause de sema toi. Udongo italainiwa kupitia wewe. Amina. Maintenant, écoutez bien. Alors, qui est nizuri? Si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, kama ajaelewa yenye Mungu anasema, et toi et tes enfants, vous pourrez perdre beaucoup de temps jusqu'à ce que quelqu'un comprendra. Na weye na watoto wako mnaweza poteza wakati nyingi. Sinon, vous allez souffrir, naître, grandir, souffrir, mourir. Na mnaweza kupotea kufa na parce que vous ne comprenez pas kwa maana amkuelewa ce que Dieu a dit. Yenye Mungu alisema. Est-ce que Dieu eti Mungu est la cause de la malédiction? Anakuwa chanzo ya hiyo lana. Non. Apana. Dieu Mungu est l'agent qui prononce la malédiction. Anakuwa ni mtu mwenye anatamkia ile lana. Mais qui est la cause? Lakini ni nani chanzo? C'est l'homme. Ni mtu. Ça veut dire ni kusema, je suis en train de te révéler nakuwa na kufunulia que tu es la cause kusema unakuwa chanzo de ce qui arrive. Ya byenye binafika. Amen. Amen. Munifuate. Écoutez-moi. Mozuri sana. Attentivement. Si tu es la cause comme on a quoi chance de la malédiction, ya iolana, qui sera la fin il est à quoi de cette malédiction ya iolana. C'est qui? Ni nani? Ça veut dire que c'est toujours toi. Ni kusema ni paka weye. Ça signifie que le jour où je vais enlever la malédiction, c'est le jour où tu me donneras une autre cause. Parce que c'est toi là, cause. Tout en couille pour l'épaule. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Tout à fait cap. Nous allons arriver. Et ici, j'aimerais bien insister. Si tu attends ukichunga celui qui t'attend mwenye anakuwa na kuchunga vous perdez tous du temps mwenye bote mnapotesha wakati. Amen. Ça veut dire que dans les affaires d'enlever la malédiction nikusema biashara ya kutosha ole en disant à l'homme mukusema na mtu cause de toi nikupitia wewe c'est que Dieu attend que l'homme devienne cause de bénédiction. Il attendra jusqu'à ce que l'homme comprendra qu'il est la cause et qu'il pose les actes qui donneront à Dieu une parole de lever de la malédiction. On s'entend bien. Tu n'as dit ce qu'il y a visuré. Qui a fait enlever la malédiction du sol? Nani alitosha iyo lana ya udongo? Comment ils appellent? Ni nani anaitwa nani? Non, tunasoma la Bible. Ni nani? Nous sommes aussi des lecteurs de la Bible. Hein? Jésus. C'est pas Jésus. Ni Noé. Il s'appelle Noé. Ni Noé. C'est Noé. Jésus est venu sur une terre où Noé avait déjà fait enlever la malédiction. Lisez la Bible. Le jour où Noé est sorti de l'arche, il a fait l'offrande. Dieu a dit, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Ça veut dire, je viens de trouver une cause qui me permet de lever la malédiction que j'avais prononcée. Entre Adam et Noé, il y a combien d'années? Vous avez dit que nous allons faire des calculs aujourd'hui. Pour que vous compreniez que il y a certaines choses dans nos familles, certaines choses dans nos lignées, certaines choses dans nos pays qui traînent et vous attendez que Dieu fera quelque chose. Dieu attend que vous fassiez quelque chose pour que lui fasse la chose qu'il doit faire. Dieu n'a pas dit ce que le ciel liera. C'est ça que vous allez lier sur la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu lieras. Ça veut dire, c'est toi qui commences et le ciel va suivre. Le ciel est très patient. Il attendra jusqu'à ce que tu vas faire ce qu'il faut faire pour que lui suive. Dieu va t'attendre. Lui va attendre. En attendant, comme on a couffert, si tu meurs, tu rentres encore au ciel et tu diras à Dieu, je t'attends de patienter ta pagie. Il te dira, tu as mal agi. Tu as mouru sans toute pagie. Moi, je patiente que tu puisses agir, afin que je puisse aussi agir. On a compris les sacs où Mimbo et Guinée, comme on a imba Mumbingu. Quand vous êtes en train de chanter, descend et agit. Mungu n'a imba Mumbingu. Dieu aussi est en train de chanter. Mototo Hanja ni Fouate. Oh mon fils, comment est-ce que je te suis? Zakila Munto Chopin dans Mumbo. Tout un chacun a une chanson qui est. Comment il faut laisser? Oh, descend et agit. Mungu n'a imba Mototo Hanja ni Fouate. Fils, comment est-ce que je te suis? Petit calcul. Et ça, Bundogo. Adam a engendré à quel âge? Adam alisa na miaka ngapi? 130 ans. C'est ça que la Bible nous dit. Ni hiyo Bible inatuambia. Adam a engendré. Na Adam alisa. Après qu'il soit chassé du jardin. Kisha kufukuzwa ndani ya shamba. N'est-ce pas? C'est une ville. Adam kuzalaka mu jardin. Adam n'a pas engendré dans le jardin. Arisa la inje ya. Na engendré en dehors du jardin. Donc uzazi wake. C'est-à-dire. Uri anjaka inje ya jardin. Ça commence en dehors du jardin. Se pose. Soit lien tout naturel. Adam a fait combien de temps? Adam alifanya wakati ngapi? Au jardin. Dans ya shamba. Il a commencé à engendrer à 130 ans. Ali anja mukuzana miaka 130. Bon, tumupe ngapi mu jardin? Tumupe. Alors, parce que on lui donne combien? Tu es trois calcul. Qu'on commence des calculs. Tumupe ngapi? Combien est-ce qu'on peut lui donner? Hein? Ngapi? Tumupe 120, hein? Qu'on lui donne même 125, Yarika a 125 ans au jardin. Qu'on se dise qu'il est resté 125 ans. Supposons que Adam est resté 125 ans au jardin. 125 ans dans le jardin. Alors il est renvoyé au jardin 5 ans après. Mais à Katano et Napita, c'est par là qu'il a commencé à jardiner. Admettons que ce soit, ça, ce n'est pas ça, mais... Il niche que source féconde. C'était entre nous à la source. Nous avions pris seulement pour que ça nous permette de voir le gaspillage en temps et en potentiel, parce qu'on ne comprenait pas la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Entre Adam, créé mwenye ali umbwa, et Noé, na Noa, peut à peu près 1050 ans. Il y a à peu près 1000 moja makum na miatano. Vous voyez un peu? Mona ona. Maintenant, l'année où la malédiction a été levée, c'est l'an 600 de la vie de Noé. Nous comprenons. Ça fait 1650 à peu près. On est ensemble. Maintenant, retranchons les 125 là qu'on a donné quand on a passé dans le jardin. Calculatrice. 1650 moins 125, il n'a pas de changap. Ça nous donne combien? Ok. Dio. Bébé, où je sais où les chiffres? N'oubliez pas ces chiffres. Ça veut dire, hein? La malédiction, il y a pas dunia, a tiré sur la pendant terre mouakati, plus de 1000 ans. Miaka elf. Les gens en train de vivre une malédiction, mlana, qu'un acte que n'importe qui pouvait poser aina yoyote alipasha kuifanya devait être utilisé pour que Dieu bénisse. Parce que ce que Noé a fait, Adam ne pouvait pas faire ça. Adam a ce fanya il. Hein? Non, entre nous, qu'est-ce que Noé avait fait? Noé alifanya nini? Il a offert alitoa des animaux purs, c'est tout. N'est-ce pas? Est-ce que Adam était incapable de faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Puisque il y a déjà quelqu'un qui avait commencé à le faire, mais que son frère a tué, Abel offrait déjà. Caïn qui était du diable l'a tué. Ça veut dire le diable voyait que les hommes commencent à ouvrir les yeux sur la chose qui peut faire enlever la malédiction, et il a abattu Abel. À partir d'Abel, il n'y a plus personne qui pose ces actes-là. Ah, mon ange va comprendre. Maintenant, là, on se comprend. Nous commençons à voir la chose où elle est en train d'aller. Hein? Alors, une fois vous prenez la durée de la malédiction, pas que c'est Dieu qui l'a fixé, mais c'est les attitudes des hommes. Dieu attendait que les hommes change d'attitude, pose des actes et lui donne une cause pour qu'il lève la malédiction. Mais malheureusement, le problème c'est que les gens ne s'occupaient plus de ça. Vous savez ce qui les a amenés là-bas, c'est quoi? Il pense que comme c'est Dieu qui a prononcé, il faut attendre que Dieu lui-même prononce encore une fois. Alors que si vous lisez le jugement de Dieu sur Adam, Dieu a révélé dans ce jugement que l'homme est la cause de la malédiction, et l'homme peut devenir aussi la cause de la bénédiction. Adam, au lieu de sortir méditatif de la parole de Dieu, il est sorti énervé par sa femme. On lui a posé la question: tu as mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est ça sa réponse. Ça veut dire, attends dans sa tête, hein, ne méditez pas sur les paroles de Dieu. Il passait son temps à accuser quelqu'un avec qui il était. Angaria, imamboya, les choses que nous faisons, nous ne pourrons trouver des solutions. Et le problème que nous avons, pasteur, c'est les gens sont en Christ avec la mentalité adamique. La mentalité d'accusation. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Boulogie, la sorcellerie de chez nous. Adam. Adamo. Naléo. Jusqu'à aujourd'hui. On garde comment on boulogie boire quoi. Ça fait toujours combien d'années que tu es dans le Seigneur? Le problème avec toi, Mambo na tu ne t'assois pas Awikale pour méditer kwa sur la volonté de Dieu. Ya si Adam avait récupéré la parole, kama Adam et il commence à la méditer, on a dit que c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Alors je ferai tout pour que je donne à Dieu une autre cause hein, et que la terre soit bénie à cause de moi. Amen. Maintenant, comment on a babé ça? Alors, une fois les prendre. Banaoua Abel, n'est-ce pas? Alors Abel s'est épousé. On a engendré sept. Okazate na sept. Si vous comptez. Basi mukie sabia. Miaka abale bantu bote barizala. Les années qu'ils ont aussi engendré. Jusqu'à arriver à. Kufikia kwa. Noé. Noah. Pasteur. Baba. C'est presque 7000 ans. Na kuwa tena miaka 1700. Regardons-nous tel que nous sommes dans la salle. Comment on a changé miaka ya kila muntu? Si on peut totaliser les années que nous avions, ni ma miaka ngapi tunapata? Combien est-ce que nous allons trouver? Et les choses que nous n'arrivons pas à résoudre, ça signifie que nous avons utilisé chacun son âge pour ne rien faire. Chaque année que tu vis, c'est une opportunité pour que tu résolves tes problèmes. Si tu ne parviens pas à le faire, tu as consommé gratuitement et inutilement une année. Apprends que tu es en wakati. Faut pas jouer avec le temps. Avec les investisseurs, en fait, c'est des gens qui ont compris que il peut acheter le temps des autres et multiplier son temps à lui. Wakati yake. Si j'ai dit travailleur, c'est moi qui a commencé le travail. Je vous ai engagé, vous êtes à 10. Et vous devez travailler 8 heures par jour. Vous me suivez? Chacun de vous me donne combien? 8 heures. Multiplier 8 par 10, ça fait combien? 80. Ça signifie une journée normale, chronologiquement, elle a 24 heures, mais moi, investisseur, je suis introduit là-dedans 80 heures que j'ai pu prendre chez 8 personnes, ces 10 personnes qui m'ont donné 8 heures. Et c'est ça qui va me permettre d'avancer plus que eux. Et ils m'ont vendu leurs heures. J'ai progressé avec leur temps. Les années que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait à faire? Si nous totalisons les années de Congolais, et c'est des Congolais, ça va donner combien? Et nous sommes où aujourd'hui? C'est seulement vivre et mourir. Quand vous lisez Genèse 5, Sept engendra oui, c'est Enoch. Enoch. Il vécut après Enoch tel nombre d'années et il mourut. Enoch engendra. C'est que Enoch c'est seulement mais la terre sur laquelle vous êtes elle est maudite. Vous ne vous asseyez pas pour réfléchir. Quoi ce genre de problème? Comment est-ce que nous allons faire? N'accepte jamais une souffrance sans te pencher à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour m'en débarrasser. La Bible déclare au jour du malheur réfléchis. Mais malheureusement la plupart au jour du malheur nous plairons. Mon Dieu, écoute mes lamentations. Oh. Dieu, attends, comment est-ce que tu vas réfléchir? Il sera là en train d'observer tes larmes. Il est là en train d'observer tes pensées. Comment est-ce que tu réfléchis en période de malheur? Pasteur, quelle est la parole que moi, mon psaume? Il y a une parole dans le psaume. Mitakabeba de manière brute. Je vais le prendre de manière brute. Ça dit: l'Éternel sera ton ombre à ta droite. Wa milele atakuhesabu yako kumkono kwa kiume. Kimvuri. Kimvuri. Ça veut dire? Nikusema. De manière brute, hein? Je sais que ça signifie Dieu va te couvrir de sa protection, n'est-ce pas? Mais si on prend ça de manière brute, hein? C'est comme si Dieu va prendre le rythme que tu vas prendre. L'ombre suit le rythme de son objet. Quand une fois je bouge, l'ombre va aussi bouger. Une fois voir votre ombre bouger, ça ne va pas bouger. On a couillé au matadja. Ça veut dire que parfois quand tu commences à pleurer, au lieu de réfléchir, Dieu aussi commence à se lamenter sur toi. Et quand on a ri, il a très se lamenter. On a déjà couru à les mamans. Et tu as commencé à parler de problèmes. On a déjà couru à ouais. Tu commences aussi à pleurer parce que tu pleures. Et qu'on a ri, il pleure. Pourquoi est-ce que tu pleures? Vous ne comprendrez bien. Vous me comprenez quand même. Maintenant, la question se pose. Il est mamia kayote. Toutes ces années, nous allons prier. Deuxième étape. Il est mamia kayote. Alors, toutes ces années. Pasteur, si vous voyez ce qui a été fait, je peux prendre l'état Makari. C'est par là qu'il y a aussi la colère. Le père de Noé. Baba yake ya Noé. Personne ne lui a rien dit. La Bible dit. Les mecs. À 180 ans. Mumiaka engendra Noé. Akaza Noé. Et il dit. Na kasema. Celui-ci. Uyu. Nous consolera. Atatufariji. De tous les malheurs issus du sol que l'Éternel a maudit. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Il a dit. Alisema tu. Qui était incapable de dire? Nani asikupasha kuweza kusema? Vous voyez que Munaona, chacun avait la solution à portée de sa bouche, kino, mais il leur manquait le courage de parler. Na nguvu ya kusema. Apana kucheza na kazi ya imani. Ni kazi ya kinwa. C'est l'œuvre de la bouche. Imambo ni unasema baba. Africain, Congo, les choses bien. Que je parle seulement les Africains, c'est du Congo, ne Imani, peuvent pas comprendre. La foi est en train de travailler comme convoyeur ya taxibus. Le convoyeur de taxibus. Tu peux avoir une taxibus qui est bien arrangée. Si ton convoyeur ne sait pas quoi parler, les gens vont entrer dans une autre taxibus. Une fois écouter un convoyeur quand il parle, il ne cite pas les bus. Il est en train juste de citer tous les bus. Jamais un convoyeur dira le bus est là. Il dit Panda. Vous donc, il vous montre c'est-à-dire de là montrer. Où vous allez. C'est-à-dire, il vous prend et vous fait arriver là où vous êtes en train de partir. Comment si tu parles concernant ta vie, comment est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles de là où tu es? Soit tu parles de là où tu parles. Si tu prends Jésus, Jésus ne parle pas de choses telles que tu le vois. Jésus parle de choses. Une fille qui est morte, Jésus dit, elle n'est pas morte. Assis à Koufoua. Oh, vous êtes en train de faire quelque chose. Lui, il a refusé. Il a dit tel que ça se le faible dise, je suis Nico. Il est faible. Mais il ne dit pas je suis faible. Il dit je suis fort. Amen. La solution pour lever cette histoire-là, c'est pourquoi dire que chez il fallait seulement dire. Amen. Ah, on commence à se ah, là, je suis très content. Maintenant, quand on rentre un peu, aussi au père de Noé, tu as ni à sécurité et yé moya. Il ne sait pas citer lui-même. Anataya mutoto binachelewa 600 ans. Il a au moins cité son enfant. Kama alitaya kaye moya. Il sait citer lui-même. Bita kufunguka paka paka. Ça devrait s'ouvrir juste maintenant. N'attends pas que quelqu'un fasse pour toi les choses qu'il faut faire pour que tu aies les solutions de ta vie. Donc quand il a parlé, le ciel s'est dégagé pour dire nous avons trouvé quelqu'un qui nous a donné la cause. Mais malheureusement, Ole, il ne s'est pas cité. Il a cité son enfant. De 600 ans. C'est entré tellement détraîné. Qui lui avait empêché de se désigner lui-même? Pasteur, il y a d'autres problèmes. Dieu n'appelle personne, c'est lui qui peut se vous placer. Vous devez comprendre ces choses. Pour la page à couleur, bilobine. Esaïe chapitre 6. Dieu voit Esaïe. Esaïe voit Dieu. Mona, il y a des problèmes sur la terre. Alors Dieu a vu Esaïe. Mais il a demandé. Qui enverrai-je? Nani mitatuma? Peut-être Esaïe est en train de les anges qui restent là en haut, ils doivent descendre. Ils sont en train de regarder. Mutakatifu. C'est pas leur problème. Et ils sont dans une autre dimension. Alors Esaïe s'est rendu compte que Dieu ne lui a pas cité. Alors il s'est dit, non, là je dois me placer. Il est venu et dit, mais voici, envoie-moi. Le problème de chez vous, où ta chunga va être tellement attendre ta kuyaka, où tu es que le mambo, place-toi devant ce problème. Il n'y a pas le mambo, entre dans ce problème. Et Dieu va te faire place. Toi et lui, vous allez ôter ces choses. Si le problème se trouve, si tu n'appelles personne, il est en train de faire des demandes d'emploi. Des choses qui ne vont pas. Dieu, il met des demandes d'emploi. C'est pour ça que la Bible dit, je cherche parmi eux un homme. Ça veut dire Gina Yake. Je parle de son nom. Mais c'est lui qui va accepter d'entrer dans la prière. C'est lui qui va se lever et intercéder. C'est alors que je vais lever la malédiction. Parlez-moi de la demande d'emploi. Je cherche parmi eux un homme. C'est que depuis la chute d'Adam, Adam n'a rien compris. Alors pour entrer dans la prière, je prends notre étape, nous allons faire demain. Pour entrer dans une bonne prière, je voulais te faire comprendre que il ne faut jamais appelez Dieu dans des problèmes que d'autres personnes ont commencé. Il ne faut pas te placer, c'est là qui viendra le secours de Dieu. Alors nous devrons aussi s'énerver. Alors ce sorcier-là, lui qui est de chez vous, c'est lui qui vous êtes en train de glorifier parce que tu parles tellement de lui. Qui est son chef? Le diable. C'est que. C'est-à-dire. Alors celui qui est en train de servir le diable. En amitié soi. Il est en train de vous faire souffrir. Un serviteur du diable. Pendant que tu te lamentes. La sorcellerie. C'est-à-dire un serviteur du diable. C'est bien lui qui est en train de vous faire souffrir. Alors si un serviteur du diable. Il vous fait souffrir. Alors vous appelez Dieu. Est-ce qu'il est normal? Alors dites-moi, est-ce que Mungu, tu invites Dieu parce qu'il y a au moins un serviteur du diable qui laisse le chose qui fait là-haut parce que toi tu as des problèmes avec un serviteur du diable? Non, c'était pas comme ça. Tiens, regarder dire. Voyez pas que les choses ici te concernent. Je peux vous ouvrir les yeux. Vous savez le jour où Dieu a passé en Égypte, c'est quel jour? Je somme tout Bible bien. Lisez bien la Bible. C'est le jour où il leur avait dit. Cette nuit. Iusiku. Immoler l'agneau. Basimtinje kondo. Manger là. Mukule. Je passerai en Égypte. Ça veut dire. Ne kusema. Chiapita kamo. Je n'ai jamais y a passé. Chiwezi kupita mo. Je ne peux pas passer. Kama Moïse ashiaisha na tumiungu miungu twabu. Musa na pakwa niveau yapo. Je ne suis pas de leur niveau. Je ne kapite bo bangali. Pour aller passer. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse. Il alisema na Musa. Je te fais Dieu pour Pharaon. Fanya Mungu kwa Pharaon. Kusema. Wewe kama unaisha. Tu dois une fois terminer. Pale ba Mungu bote. Tout ça ça. Alors moi Dieu, je me tiendrai dit, oh mon petit fils, il a tué les vos idoles, je ne peux vraiment me battre avec vous, oh votre Dieu, vont se battre avec mon enfant et va leur battre, en Égypte, mon mystère, ils adoraient le soleil, l'avant-dernier miracle de Moïse c'était quoi? Dieu lui a dit, appelle les ténèbres sur l'Égypte, ça signifie. Le soleil s'est caché. Ils ont regardé. Alors celui-ci qui a tué notre Dieu. Qui est-il? Alors ce moment, soleil inachimique, le soleil s'est éteint au côté d'Égypte. Ils ont laissé la lumière à côté d'Israël. C'est là que Dieu dit. Alors tu vas dire à ceux qui l'adorent que c'est par là que je peux passer. Alors il est rentré dire, mangez la Pasaka. Si vous mangez, c'est par là que je vais passer. Alors dites-moi. Comment c'est tellement facile. Mettez-moi en prière. Vous priez. Moi, mon conna et puis vous me prenez. Vous me n'êtes pas. Vous me. Vous ne niez pas. Courir yako. Mange pour toi. Ujibe ya. Rassasiez-toi. Après quoi tu as mungu boy wa chef. Appelez Dieu pour un serviteur de Dieu. Vous êtes en train d'inviter Dieu pour un serviteur de Dieu. Et vous êtes tellement troublé. Non, avec cette sorcellerie. Non, ça c'est seulement Dieu. Comment ça? Qui? Nous allons prier, ne vous en faites. Comme dans le psaume, chapitre 8. Premier, deuxième verset. Je crois dans le troisième. Anjambele, le premier verset. Mine n'est pas ma carrière. Moi ça m'énerve. Il est psaume 1000. Zaburi. La Bible dit au chef de chantre sur le Gittite, psaume de qui? De Zaburia, David. Ya Daudi. Là, ça somme à quoi? Éternel. Que ton nom. Basidina Yako. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est. Wamilele bwana tu jina yako. Magnifique. Inakuwa mzuri. Magnifique. Hein? Mzuri. Je te refonde en latin. Nous sommes en. Inatokea ku latin. Magnus. Latin. Munene. Tellement grand. Vous allez comprendre, hein? Vous comprenez? Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus de des cieux. Ça veut dire, hein, nulle part où la grandeur de Dieu n'existe pas. Dieu est tellement grand partout. Et cette grandeur, il a introduit cela dans son nom. Ton nom est magnifique. Comme Nene Zaidi. Alors le verset qui suit. Par la bouche de Kupitia Kinoa de qui? Des enfants. des enfants. Et quel genre d'enfants? Qui sont où? Weko wapi? À la mamelle. Mutoto anachaka kunyonya na miaka. Il laisse des saletés à quel âge? Bon, attaque à retard, mule tembele qui a retard. Deux ans, Dieu qui a retard qu'il. Deux ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Na nini anafanya? Tu as fondé ta gloire. Ta gloire, c'est quoi? Utukufu nini? Bougie to bwako. Un poids. Mungu anabweka wapi? Dieu a très déposé ça où? Fondation ya bougie to ya Mungu buku wapi? Dieu a posé cela à la bouche de qui? Mukinwa kya nani? Des enfants. Ya batoto. De quels enfants? Ni batoto ba Dieu. Qui sont à la balebeko mamelle. Kumajiba. Pourquoi? Ni tu ya nini? Pour confondre qui? Kwa ajili ya kutofautisha les adversaires. Wanya wana signifie, hein? Quand les adversaires viennent, Mungu atengia anabeba tutoto tule wananyonyesha. Il prend les enfants qu'il a entrés dans le cœur. Vous ne pouvez pas se battre avec. Moi na moi. Ah. Kombana, hey. Na ututungari kumajiba. Na mutashikia la Bible dit, nasema, pour confondre tes adversaires, faire quoi? Imposer silence na kimia kwa wanani? À l'ennemi. Kwa la sorcellerie de chez vous. Pourquoi appeler Dieu? Le père de Noé. Il a juste parlé. Alors pour mieux prier. Malédiction. Qui avait prononcé la malédiction? Mungu. N'est-ce pas ce Dieu? Est-ce la sorcellerie qui est en train de faire souffrir? Est-ce Dieu ou les serviteurs du diable? N'est-ce pas les serviteurs du diable qui avaient prononcé? Ce que Dieu avait dit lui-même, l'homme a ôté cela. Alors, que dire du serviteur du diable? Tu cherches qui va les ôter? Tiens-toi debout d'abord. Alors, enlève cela. Tenez-vous debout. Tiens-toi debout. Non, les autres, nous allons recevoir après. Nous devrions ôter cela. Tu ne sens pas de révolte en toi? Vous ne voyez pas que vous avez tellement souffert. Pour rien. Alors prenez Ésaïe 54. Verset 17. Je vais parler tout à l'ombre. C'est par là que nous allons prier. Papa, bonhomme, déjà dit sans effet et ne voit pas nous. Alors c'est dans la Bible, ils ne savent rien. Soma bien. Nous sommes même zori. Asemanini. Toute arme forgée contre toi. Bah si cela y est, même Kambele Yako. Je ne vois pas où aller. N'est-ce pas par là, vous avez la connaissance. Bloqué. Ésaïe 54. Isaïa, ma commissaire n'a inévitable. Toute arme forgée contre toi sera. Si la yote est à ton Dieu Yako et ta famille. Endelecha. Continue. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce que tu feras? Tu la condamneras. Il est toute arme forgée. Toute langue. Ça veut dire, dans le monde spirituel, les langues sont des armes. Maintenant, si on t'a attaqué avec la langue, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu condamneras. On condamne avec la bouche. Comment on appelle celui qui condamne en justice? Comment on l'appelle? Juge. Mouamzi. Qui es-tu? Voyez la position de Mungu. Dans ta vie, qui es-tu? Wenjo, c'est toi, juge. Le juge. Pasteur, tout le monde juge, nous moya. Avions d'autres juges. Oui, juge. Et on a menacé juge. Il est en train de menacer un juge. Juge. Non, moukate, mais... Alors le juge a dit arrêtez d'abord. Ça, ça, ça, ça, alors continuez. Il y en a quoi? L'héritage de qui? des serviteurs de la plupart y a bantu. Il ne sert pas Dieu. Et il cherche que Dieu puisse leur servir. Il est héritage. L'héritage, c'est pour ceux qui servent Dieu. Et puis la Bible dit, na Bible na sema, tel est, il est na kuwa, le salut. Ça veut dire, nikusema, si tu es sauvé kama unakombolewa, et tu gardes ta langue na unachunga limi sans wako, condamner bila kuku, les méchantes langues, ce qu'ils ont dit, quoi que tu es sauvé, ça va arriver. Vous voyez que la chrétienté, ce n'est pas une vie de cette terre. Moi, je n'aime pas les problèmes. Les problèmes cherchent ceux qui ne le veulent pas. Itakupenda sana. Ça va tellement t'aimer. Mambo. Les problèmes. Ça n'a pas itakupenda. Besoin que toi tu puisses accepter. C'est pas qu'est-ce que tu dois faire. Commence à prier. Prie pour ta vie. Non, il ne faut pas messier. Laisse maintenant ta prière. Que ta bouche commence à parler devant maintenant, la vérité, c'est quoi? Lakini, kweli ni nini? Juge quand ma chérie est loi. Un juge quand il ne connaît pas de loi. L'avocat va t'amoucher. Les avocats vont jouer de lui. Les choses que vous avez. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. À un moment, vous avez des problèmes. Et Dieu regarde juste l'intention. Mon Dieu. Fais-moi tel que tu as. Achadra Meshach. Et celui-là. L'autre là, si c'est qui? Alors si Dieu vous demandait de citer d'abord le nom. Heureusement, Dieu nous regarde seulement. Il dit à Jésus. Mais tes petits frères ici. Non. Prions dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu béniras ta vie. Tu vas bénir ta famille. Tu vas bénir ton travail. C'est toi le juge. Ça va se faire. Commence à parler et à bénir. Et à bénir ta vie. Prions dans le nom de Jésus. La force est en toi. Dieu attendait que le Père de Noé parle seulement. Oh, c'est toi qui parles ce soir. Dans le nom de Jésus, commence à parler. Prononce la bénédiction. Prononce la bénédiction. C'est la force que tu as ce soir. C'est la force que tu as aujourd'hui. La force de la parole. La parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, et tu confesses de ta bouche que Jésus est ressuscité dans tes mains, tu seras sauvé. Père, il a prononcé le mot. Je prononce aujourd'hui. Confesse de ta bouche. Confesse. Je le confesse, papa. Père. Yes. Jésus. C'est toi le juge. Ma vie n'est pas sous autorité. Des esprits médiocres. Prie. Ma vie n'est pas sous contrôle. Des forces démoniaques. Je suis juge dans ma vie. Et je déclare sur ma vie aucune langue, aucune parole que les adversaires ont prononcée ne peut trouver de place dans ma vie au nom de Jésus. Prie. C'est toi le juge. Je suis le juge de ma vie. Je le déclare. Sur ma famille. Il n'y a pas dans ma vie une autorité supérieure à celle de Dieu, à celle que Dieu m'a donnée. Je le déclare dans ma vie. Je suis sous autorité de la bénédiction de Jésus. Ma destinée sur la terre, la destinée de ma famille, la destinée de mes frères, la destinée de mes soeurs, la destinée de mes enfants se trouve sous autorité de la bénédiction de Jésus. Je suis restauré à force de la bénédiction et dans ma vie. Ah, prie. C'est toi le juge. C'est toi le juge. Aucune force impure ne va résister ce soir, parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute situation. Le nom de Jésus est au-dessus. Juca, Juca, Juca, Juca, Juca. Tu es un juge. Tu es un juge. Dans ta vie. Pendant 30 secondes. Avant de terminer l'audience. Mbele ya kumaliza hiyo makutano. Tu vas prononcer un décret sur ta vie. Wewe utaweza kusema misemo juu ya maisha yako. Alléluia. Amina. Avant de dire la séance est levée. Mbele ya kusema makutano inamalizika hapo. Tu prononces un décret. Wewe utaweza kusema misemo. Tu vas déclarer. Utatangaza. Ce qui va se faire désormais. Yenye itafashika sasa hivi. Spirituel. Parce que nous sommes dans le monde spirituel. Tu vas déclarer par ta parole. Utayatangaza kupitia misemo yako. Des décrets. Misemo. Qui entreront en vigueur. Yenye itatimilika. À partir de ce soir. Kuanzia jioni ya leo. Dans ta vie. Ndani ya maisha yako. Au nom de Jésus. Ujina la Yesu. Élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Commence à déclarer des décrets. Anza kusema misemo. Commence à signer des décrets. Uanze tena kutia sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, dans ma vie, tout ce qui a été établi comme complot des ténèbres, c'est fini et c'est condamné. Tous les échecs sont transformés en réussite. À partir d'aujourd'hui, dans la vie de mes enfants, il n'y a plus d'échec. Dans ma vie, je vais acclamer très fort. Nous donnons les offrandes rapidement. La chorale nous accompagne. Tu n'as l'état quoi raca sadaka yetu quoi y en a tous les kizas. Tu as les Kristo ulitunagile aleza wetu mamungo mokomo ubya kudonga tumaiya koti eka witisa matumbo watumbo ebuko momoso ulitunagile aleza wetu mamungo mokomo ubya kudonga tumaiya koti Ata witu seke Imana tata alesa wetu wa mukomo Imana leza yo Imana leza yo Imana tata alesa wetu wa majese Jalelo Jalelo Watu mo Watu mo Nebukomo boso Witu nangile Alesa wetu Mukomo komo, ubya kulonga, tumaiya koti. Yata witu se. Bigan. Ah! Ilela. Lesa watumba, watumba. Mukomo boso, witu nangile, aleza wetu Mukomo komo, kubya kulonga, tumaiya koti Nanga witu senge Parce que tu as décidé aujourd'hui Sababu lichukua mpango leo en nous donnant cette parole ya kutupa nenoi que nous puissions corriger les erreurs et rattraper les retards Sababu tutengeneze makosa na tupate kujarikisha par la parole kupitia neno par la révélation de ta connaissance kupitia ufunuo ufahamu wako et en agissant comme des juges comme des serviteurs na kutenda kama waamuzi na watumishi wako nous bénissons cette parole tunabariki neno nous bénissons ton peuple tunabariki taifa yako nous recommandons l'église entre tes mains tunaacha kanisa mikononi kwako nous croyons que demain ça sera encore un très grand jour tunaamini kesho itakuwa tena siku kubwa chaque jour tu nous visites et tu nous bénis kila siku unatuonekanikia na kutubariki merci pour ta fidélité asante kwa uaminifu wako et ton serviteur bénis ton peuple bariki taifa yako et que ta grâce nous accompagne neema yako itusindikize au nom de Jésus mchina la Yesu amen amina que Dieu vous bénisse Mungu atubariki